Album Manuke, soloiste. C'est comme ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, sur ce, je dédie cet album à tous ceux qui m'aiment, tous ceux que j'aime profondément, ceux qui m'ont fait confiance pour aboutir à ce projet. Ce ne fut pas si simple que ça, car dans la vie y a des obstacles, et parfois c'est difficile de les franchir. J'ai une pensée pour mon pote Mista Flo derrière les barreaux, tous ceux qui sont partis trop tôt sur cette putain de planète. Sur ce, je quitte ma plume en vous souhaitant beaucoup de courage et de la réussite. Ouais, la famille, y'a que ça de vrai. Allez, tchuss. Manu J, vous servir. Outro. A plus.